Chapitre 65e. Au fond d'une vallée sauvage du versant méridional des Pyrénées, une misérable bourgade composée d'une trentaine de maisons et d'une posada, ce qui en espagnol veut dire cabaret, s'étale aux deux côtés de la grande route qui mène de Bayonne à Pamplune. C'est Corta, le village dont parlait Mademoiselle Concepcion dans sa dernière lettre au prétendu marquis de Chamery. La population de Corta se compose en grande partie de muletiers, les uns vivant en paix avec la double douane des frontières, les autres vivant du périlleux métier de contrebandier. Le jour, au seuil des portes, on voit les hommes rouler, hiver ou été, dans leurs manteaux, fumant leurs cigarettes et couchés sur le dos, contemplant le ciel bleu. Les enfants, aux bruns visages, aux cheveux en broussailles, demi-nus, se roulent sur la poussière de la route. Les femmes travaillent, assis sous un chêne vert ou un mûrier, qui étale son ombre maigre et brûlante devant chaque maison. Une chaise de poste, ou la malle qui porte les dépêches, ou un convoi de muletiers, viennent-ils à passer? Les hommes lèvent nonchalamment la tête. Les femmes, silencieuses jusque-là, échangent quelques mots. Les enfants courent après la voiture, puis tout rentre dans le calme et dans le silence. On dirait une population de Lazzaroni, de poètes et d'amoureux. Mais la nuit vient. Alors la scène change. Les hommes se lèvent et s'agitent. Le grelot des mules se fait entendre. Des ombres muettes quittent le village. Les enfants s'endorment et les femmes des contrebandiers, éteignant feu et lumière, font des vœux pour leurs époux qui vont avoir bientôt maille à partir avec les douaniers. Or, à l'époque où remonte notre histoire, on voyait au nord de Corta, sur la gauche de la grande route et à 200 mètres environ de toute autre habitation, une petite maison blanche couverte en tuiles, entourée d'un jardin, dont la porte, ombragée par un figuier, portait en langue espagnole l'inscription de « Postolettres ». Cette maison, complètement isolée, avait pour unique habitant deux hommes, un jeune et un vieux. Le vieux se nommait Murillo la Jambe de Bois. Il avait servi l'Empire français au temps de Napoléon. L'empereur l'avait décoré. La reine d'Espagne lui avait donné 10 ans auparavant le modeste emploi de distributeur des postes. Le jeune était un garçon de 15 ou 16 ans du nom de Pedro. Un soir, 9 ans auparavant, tandis que Murillo, la jambe de bois, allait se coucher, on heurta à sa porte en appelant au secours. Le vieux soldat alla ouvrir et vit entrer chez lui un inconnu qui tenait un enfant de 6 ans par la main. L'inconnu était couvert de sang et se soutenait à peine. C'était un contrebandier qu'une balle de gabelou avait frappé. Il s'appuya au mur de la maison, balbutia quelques mots, jeta une bourse pleine d'or sur la table, montra l'enfant dont il murmura le nom, et tomba mort. La chambre de bois adopta Pedro, et quand celui-ci eut 15 ans, il lui fit obtenir l'emploi de facteur rural. La malle-poste passait à 2 heures du matin venant de France et allant à Pamplune. La jambe de bois se levait, faisait ses 2 paquets et se recouchait à 3 heures. Pedro prenait alors son sac de cuir et son escopette et commençait sa tournée de facteur avant le jour, se rendant d'abord au château de Salandrera, puis dans les fermes et les hameaux environnants. Ordinairement, il était de retour vers 2 heures de l'après-midi, l'heure où la malle de Pamplune à Bayonne passait à Corta. Quelquefois, il était en retard, si le chemin était boueux, s'il y avait eu des lettres pour quelques cabanes éloignées de charbonniers. Alors, les lettres dont il était porteur, et qui était en destination de France sous les frontières, séjournait 24 heures dans le bureau de Corta. Or, un matin, vers 2h30, tandis que Pedro s'habillait et mettait dans son bissac un morceau de fromage de chèvre et un pain pour son repas en plein air, la jambe de bois, qui était assise devant une table servant de bureau et faisait un triage de ses lettres, se tourna vers le jeune homme. « Est-ce que tu ne m'as pas dit que son Excellence, le duc de Salandrera, était parti ?»« Oui. » dit Pedro. « En es-tu sûr ?»« Dame, » répondit le facteur, « il doit l'être, car l'intendant de Salandrera m'avait annoncé son départ pour le 18 au matin. Mais voici 3 jours que je n'ai rien eu pour le château et je n'y suis pas allé. » Son Excellence ne passe jamais par Corta. Il va rejoindre la route à 1 lieue d'ici. « C'est vrai, » dit Murillo. « Pourquoi cette question, père ?»« Parce que voilà une lettre pour lui. Si j'étais certain de son départ, je la renverrai en France par le courrier d'aujourd'hui. Eh bien, dit Pedro, je vais toujours la présenter au château. Si le duc est parti, je tâcherai de revenir pour l'heure du courrier de France. Et Pedro mit la lettre dans son sac. mais il comptait sans une chaleur caniculaire qui le força plusieurs fois à se reposer à l'ombre d'un arbre et sans la cordialité ordinaire de l'intendant de Salandrera, un vieil Espagnol qui avait navigué dans sa jeunesse et avait conservé le goût des libations. L'intendant lui fit boire plusieurs bouteilles de limonade mélangées d'un verre de vieille eau-de-vie, et Pedro arriva à Corta une heure après le départ de la malle-poste allant de Pamplune à Bayonne. La lettre adressée au duc de Salandrera, qui en effet était parti la veille au matin, revint donc au bureau de poste de Corta et y fut jetée dans le sac de dépêche qui ne repartait que le lendemain. Après tout, se dit la jambe de bois qui examina l'enveloppe mignonne, son peu de volume, la fine écriture de l'adresse, ce n'est peut-être qu'une lettre insignifiante et qui ne renferme aucune valeur. Le duc la recevra un jour plus tard. La nuit suivante, un peu avant 2 heures, un bruit de grelots, de claquements de fouet éveilla la jambe de bois en sursaut. « Tiens !» pensa Murillo, « le malle-poste est en avance aujourd'hui. » Il sauta hors du lit, rajusta son manche à balai et s'habilla à la hâte, puis il ouvrit la porte et se plaça sur le seuil, prêt à recevoir le sac de cuir que le courrier lui jetait chaque nuit au haut du cabriolet. Mais Murillo s'était trompé. Ce n'était pas la malle, c'était une chaise de poste attelée de 5 mules, et conduite par 3 postillons qui couraient comme des batteurs d'estrade, selon l'usage espagnol, à côté de l'attelage. Cependant, la chaise s'arrêta devant le bureau de poste. Un homme mit la tête à la portière et dit en français « Où sommes-nous ?»« À Corta, » répondit la jambe de bois, qui, ayant servi dans les armées de Napoléon, comprenait et parlait assez bien la langue française. « Corta ?» dit le voyageur en mettant pied à terre. « N'est-ce pas le village le plus voisin du château de Salandrera ?» Et Murillo vit, à la lueur des fanaux de la chaise de poste, se développer un gros homme tout vêtu de noir, roulé dans un bon manteau de voyage et marchant avec l'aplomb un peu lourd d'un opulent parvenu. Cet homme, on le devine, était maître Venture en personne. Venture salua l'invalide d'un air protecteur. « C'est bien le beau voisin de Salandrera, » répéta-t-il. « Oui, monsieur. À quelle distance est le château ? À 2 lieues. » Venture se frotta les mains. « Le chemin est-il passable et peut-on s'y risquer en voiture ?»« Non, monsieur. Pour aller en voiture à Salandrera, il faut rebrousser chemin jusqu'à 1 lieue d'ici et prendre à gauche une route assez bonne que son Excellence a coutume de suivre. »« Ah ! » dit Venture. « Mon Dieu » ajouta-t-il. « Je ne sais pas un mot d'espagnol, mes postillons un mot de français, et ils ne m'ont pas compris. J'ai pourtant bien accentué, et à plusieurs reprises, le nom de Salandrera. « Est-ce que votre seigneurie, » demanda Murillo, et des amis de son Excellence ?« Je suis le marquis de Coqueron, » répondit orgueilleusement Venture, « et le duc est mon ami intime. Je me rends à Madrid et je me suis bien promis de lui faire une visite en passant. » Murillo sourit. « Votre seigneurie se trompe. »« Hein ?» fit Venture. « Le duc n'est pas à Salandrera. »« Comment ?» on m'a affirmé à Bayonne. « Il est parti depuis 2 jours. En êtes-vous sûr ?»« Très sûr, votre seigneurie. » Et la preuve en est que j'ai là une lettre venue de Paris pour lui et que je vais lui renvoyer. « Ah ! Quel contretemps fâcheux !» murmura Venture, qui salua Murillo, parut examiner d'un air distrait, grâce au clair de lune, sa maison et le jardin qui l'entouraient, puis remonta en voiture, ajoutant « Le relais de poste est-il loin ? À 1 lieue d'ici. Bonsoir, monsieur. Au plaisir de vous revoir. »« Bonsoir, Excellence, » répondit le vieux soldat, qui prit au sérieux le marquisat emprunté à une rue de Paris par maître Venture. Et la chaise de poste repartit, traversa la bourgade de Corta et arriva à l'entrée d'un petit bois de chêne dont l'ombre masquait complètement le clair de lune. En cet endroit, la route montait et les mules durent prendre le pas. Les 3 postillons, selon l'usage, et sûr que les mules ne quitteraient point le milieu de la voie, prirent un raccourci qui conduisait au sommet de la côte en droite ligne, tandis que la route tournait en longue rampe pour arriver au même endroit. Venture profita de cette circonstance. À peine les 3 postillons eurent-ils disparu sous les chênes qui bordaient la petite sente, que le messager de Rocambole sauta lestement à terre et referma la portière après avoir soigneusement relevé les glaces et tiré les rideaux de cuir. « Mes braves conducteurs, se dit-il, seront persuadés que je dors, et ils vont arriver au relais sans s'être aperçus que la chaise est vide. » Et tandis que la berline de voyage continuait sa route, Venture rebroussa fort tranquillement chemin et revint sur ses pas. Mais au lieu de passer dans Corta, il se jeta sur la gauche à travers champs et gagna ainsi les murs du petit jardin qui entourait la maison de Murillo, au pied duquel il se coucha à plat ventre, derrière un monceau de bois brûlé, à 50 mètres environ de la route. En ce moment, la malle-poste était arrêtée devant la maison et l'échange des paquets avait lieu. Maître Venture avait dit ne pas savoir l'espagnol, mais la vérité était qu'il savait fort bien cette langue, car depuis Bayonne, il l'avait assez causé avec ses conducteurs pour savoir d'eux que le distributeur de Corta se nommait Murillo, dit la jambe de bois, qu'il vivait avec l'unique facteur attaché à son bureau de distribution, et qu'enfin ce dernier partait vers 3 heures du matin. Venture, couché à plat ventre, attendit que la malle-poste eût continué sa route et qu'une demi-heure après, Pedro, le jeune compagnon de la jambe de bois, fut parti. Ce dernier passa tout près de lui, sifflant un refrain de muletier, et Venture, immobile, le vit se diriger vers le sentier qui conduisait en droite ligne dans la vallée que dominait le vieux castel de Salandrera. « Bon, se dit-il, le vieux est seul, à moi la lettre. » Et Venture tourna comme un lourd odeur autour de la maison, et comme les murs en assez mauvais état possédaient une brèche assez large pour donner passage à sa corpulence, il y pénétra. Corta était un pays de contrebandiers, mais non de voleurs. On y dormait les fenêtres ouvertes, les clés sur les portes, et quand Venture se fut introduit dans le jardin, il put constater que les volets des deux fenêtres du rez-de-chaussée étaient entrebâillés pour laisser pénétrer à l'intérieur l'air frais de la nuit. Le vieux soldat s'était recouché et, suivant son habitude, il n'avait pas tardé à se rendormir. Malgré son embonpoint, Venture escalada assez lestement l'entablement de la croisée. Puis il se laissa couler dans celle des deux pièces que Murillo avait converties en bureau, dans laquelle on voyait sur une table un gros sac de cuir fermé par un cadenas. Un rayon de lune y pénétrait et éclairait assez distinctement les objets environnants. Venture demeura un instant immobile au milieu de la pièce. « Rocambole, pensa-t-il, m'a dit que s'il n'était pas nécessaire de tuer, je ne tuerais pas. Et au fait, cet homme à la jambe de bois me plaît assez. S'il ne vient pas me troubler dans ma besogne, je le laisserai dormir. » Alors Venture tira de sa poche une paire de pistolets qu'il mit sur la table à côté du sac de cuir, puis un poignard qu'il plaça entre ses dents, et il poussa sans bruit les jalousies de façon à replonger la chambre dans l'obscurité. La porte qui mettait cette pièce en communication avec celle où Murillo laissait entendre un ronflement sonore était entrebâillée. Venture la ferma. Alors il tira de sa poche un briquet phosphorique et une de ces minces bougies tordues qu'on nomme des rats de cave et il l'alluma. Après quoi il la plaça sur la table et s'approcha du sac de cuir. Murillo ronflait comme un orgue de cathédrale. Le sac était en bon cuir bien solide, assez lourd et fermé par un gros cadenas. « Diable !» murmura Venture. « La lettre est évidemment dans le sac, mais ce sac est fermé et il va falloir l'éventrer. » Venture hésita. Contre son habitude, le bandit n'avait pas le plus petit trousseau de fausses clés. Sans cela, il eut délicatement crocheté le cadenas, ouvert le sac, cherché la lettre dont la suscription portait le nom du duc de Salandrera, et refermé le tout assez adroitement pour que le vieux soldat ne s'aperçût de rien. « Voyons, se dit-il, j'ai 3 parties à prendre. Le premier, le plus simple en apparence, consisterait à emporter le sac, quitte à en vérifier le contenu quand j'aurai repassé la frontière. Mais le vol d'un sac de dépêche, outre que celui-ci est assez lourd, pourrait avoir l'inconvénient de mettre la gendarmerie française et les alguazils espagnols à mes trousses. Le second, qui vaudrait mieux à tout prendre, serait d'éventrer le sac avec mon poignard. Mais Murillo s'en apercevrait sûrement, et les alguazils marcheraient également. Reste le 3e parti, et j'ai bien peur qu'il ne rende inutile la recommandation de M. Rocambole, c'est-à-dire chercher la clé du cadenas. Dans ce cas, si je ne la trouve pas, il faudra éveiller le bonhomme et la lui demander, et il est probable qu'il ne me la donnera pas de bon gré. Venture prit son rat de cave d'une main, un pistolet de l'autre, poussa la porte et entra résolument dans la chambre où le vieux soldat continuait à ronfler. Il avait en outre son poignard aux dents. La chambre où Murillo donnait était la principale pièce de la maison. Elle servait à la fois de dortoir, de cuisine et de salle de réception. Son immense alcôve fermée par des rideaux de cuir abritait 2 lits, celui de la jambe de bois, celui du jeune Pedro. Murillo dormait tout habillé. Seulement, il s'était débarrassé de sa jambe de bois. Venture s'approcha, son ras de cave à la main. « Ce serait simple comme bonjour, » se dit-il, de lui enfoncer 2 pouces de mon poignard dans la gorge, de m'emparer ensuite de la lettre et de filer à la frontière qui n'est pas loin, et où j'arriverai avant 6 heures du matin, mais... » Ici, Venture se gratta le front. Mais comme personne ne m'avait rentré, comme il est impossible qu'on s'aperçoive du rap de la lettre si je la prends sans effraction, autant vaut chercher la clé du cadenas et de ne pas risquer la garotte. Un assez vilain collier de perles qu'on ne met qu'une seule fois dans sa vie. Cet homme dort comme un loir. Il est bien capable de ne point s'éveiller. Tandis qu'il s'adressait ce monologue plein d'humanité, Venture aperçut au cou du vieux soldat un petit cordon de cuir. Parbleu, pensa-t-il, le cordon doit être suivi d'une clé. Si cette clé n'est pas celle du cadenas, elle est évidemment celle du tiroir de la table. Essayons. Et Venture posa sa bougie sur le rebord du lit, prit son poignard d'une main et approcha l'autre du cordon. « Mon bonhomme, murmura-t-il, je te conseille de ne pas t'éveiller. Ce serait malsain pour toi en ce moment. » Muriot ronflait de plus belle. « Tiens, il est gentil, » continua Venture, qui avec son poignard coupa le cordon et le tira doucement ensuite à lui. Le dormeur fit un mouvement, Venture fronça le sourcil et leva son poignard. Mais Muriot n'ouvrit point les yeux, se retourna sur le côté, et la main de Venture tira doucement le cordon au bout duquel, en effet, était une clé. Ainsi que l'avait pensé le bandit, cette clé qu'il emporta, marchant toujours sur la pointe du pied et sans que Muriot s'éveillât, ouvrait le tiroir de la table qui servait de bureau et de caisse au pauvre distributeur. Dans ce tiroir, Venture aperçut 2 ou 3 pièces d'or et une poignée de monnaie blanche. « Bon, se dit-il, j'aurais bien assassiné un homme pour moins que cela. » Il y a 8 jours, mais aujourd'hui ce n'est pas la peine. » Et il prit un trousseau de petites clés dans le tiroir et ne toucha point à l'argent. L'une de ces clés, comme il l'avait fort bien supposé, était celle du cadenas du sac de cuir. Venture l'ouvrit et y plongea la main. Mais soudain, il tressaillit au contact d'un corps dur et métallique. Et il retira une petite sacoche en grosse toile parfaitement ficelée, cachetée et portant une étiquette et un chiffre. « Envoi de 20 000 francs en or et billets, disait l'étiquette en espagnol, par le seigneur Esteban à messieurs Brun et compagnie, négociant à Bayonne. « Ma parole d'honneur, murmura Venture, voilà un homme à qui je voulais faire grâce et que la fatalité condamne. »